ければ。 Déjà une deuxième capsule pour cette seconde session. Donc du coup, c'est la combienième au total, Tonai? C'est la septième. Putain, tu suis, je m'attendais pas à ce que tu y arrives. Eh oh, oh. Non mais y a pas de mésentente. Je te propose de pas perdre trop de temps et d'attaquer tout de suite par un petit générique. Ouais, allons-y. Vas-y. Pour cette septième capsule, on va, ou rétrochronique, je sais pas ce qui est le mieux, j'ai appelé ça des rétrochroniques, mais en même temps c'est des petites capsules. Des capsules rétro. On va parler d'un groupe qui a plutôt la cote en ce moment, un groupe qui monte, un groupe qu'on peut voir de plus en plus et qui, forcément, alors, bah, qui ça pourrait bien être. Alors, tu veux des petits indices? Ouais. Alors, c'est un groupe qui est déjà venu au Hellfest. Ah! Ok. Ok. Qui d'ailleurs vient pour la troisième fois. Donc nous, on en a parlé presque, je crois, on en a. Vas-y. Attends. Nous, on en a déjà parlé sur au moins deux fois. Ils sont venus en 2018 et 2022. D'accord. Mais je me demande si en 2022, il n'y a pas eu un truc, parce que je ne me souviens pas de leur venue, moi, en 2022. Ou alors, tu as été voir autre chose. Ouais, mais non, mais je ne me souviens pas de les avoir chroniqués autant de fois. Et je me souviens de les avoir vus une fois un matin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois, ils étaient en matin. Et cette fois, ils sont en tête d'affiche. Ah oui, je croyais que tu allais dire qu'ils sont d'après-midi. Comme quoi, ils font eux aussi les 2-8. Non. Et cette fois, ils sont en tête d'affiche de la Warzone. Ah merde, alors c'est pas ce que je pensais. Ah, c'est pas ce que j'ai espéré. C'est pas ce que tu espérais. De la Warzone, donc ça peut être soit... Ah bah non. T'as pas le droit de te tromper. Eh ben, en tout cas, pour pas gâcher la surprise... Bah oui, donc on va tout de suite parler de Knockloose. Ah, ok. Mais tu sais pourquoi tu... Et oui, Knockloose, qui est donc un groupe de hardcore américain. C'est vrai qu'on l'a pas précisé pour Jerry Cantrell, qui était lui aussi américain, qui venait de Seattle. C'est vrai qu'on a parlé d'Alice in Chains et tout ça. Mm-hmm. On s'excuse. Donc cette fois, Knockloose, qui est un groupe donc américain de hardcore punk, de metalcore punk, de beatdown punk, de beatdown hardcore, de hardcore qui casse des bouches, qui vient du nez et qui vient du Kentucky. Ouais. Et ouais, comme le KFC. Ouais. Et ça, c'est important de préciser. Le groupe a été formé en 2013 et depuis le début, en fait, le groupe, il est connu pour venir vraiment envoyer du lourd et tout ça. Là, oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est assez rare pour le préciser, mais c'est un groupe qui augmente non seulement en notoriété, mais en violence. C'est-à-dire que quand tu commences à écouter les albums de Knockloose, tu pars sur du hardcore qui déjà envoie pas mal, et tu avances, et quand tu arrives sur le dernier, ça envoie encore plus, et ça vient vraiment taper fort. Ouais. Vraiment, tu te dis que ça... Il y a une augmentation d'intensité Dans la violence. Ouais, je trouve. Ouais. Bah, en gros, tu passes d'un, j'ai envie de dire hardcore classique, mais c'est pas tant que ça. T'es déjà sur une part un peu de hardcore moderne qui est très énergique, très énervé, qui envoie vraiment fort. Et avec le dernier album, tu sens que c'est encore plus fort et qu'en plus, ils viennent intégrer plein de petits mélanges, comme on a pu un peu l'entendre là dans l'extrait. Tu sais, ça vient faire des cassures rythmiques, des trucs un peu tac. Ils hésitent pas à y aller, mais toujours en mode bam, bam, bam, quoi. Ouais, carrément. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec ce groupe, c'est qu'il est en train vraiment de jouir outre-Atlantique et même en France, mais surtout aux États-Unis. Une énorme notoriété, le groupe est en train de péter de partout. D'accord. J'avais cru comprendre. C'est pour ça que ça m'a fait douter quand t'as dit qu'ils sont en train d'exploser, parce que je pensais qu'ils avaient, qu'ils étaient déjà. Oui, en fait, quand je dis ils sont en train d'exploser, c'est-à-dire, il y a toujours une notion de relativité, en fait. Mm-hmm. Ils sont vraiment en train de devenir gros. Là, tu vois, la chanson que t'as mis, ils sont par exemple avec l'artiste Poppy. Oui, j'ai Poppy qui, et avec eux, ils ont fait donc cette chanson-là, ils l'ont joué au Jimmy Kimmel Live, qui est un énorme night show aux États-Unis. Ouais. Et ça, et ben en fait, ça, c'est déjà une grosse marque de notoriété, quoi. Ils reçoivent, c'est pas forcément qu'ils jouent là-bas qui fait que, mais c'est on dit, voilà, ils sont très très populaires. Ouais, d'accord. Okay, si ils sont là-bas, c'est voilà, ça commence déjà à être bien ancré et que ça touche autrement que la popularité classique d'un groupe de métal. C'est dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Et ils avaient déjà, apparemment, de ce que moi j'ai pu lire et de me renseigner, là où ils ont vraiment commencé à gagner en popularité, C'était en 2023 quand ils ont participé au festival Coachella. Donc ils ont participé à Coachella. Okay, donc tu vois, quand t'arrives là, c'est déjà ce genre de groupe à Coachella, t'es déjà plus dans les mêmes, dans les mêmes, comment dire, les mêmes délires musicaux qu'il y a, voilà. Et donc là, avec leur dernier album qui est sorti en 2024, où il y a l'extrait qu'on a écouté, Suffocate. Et ben là, c'était un des albums qui était dans quasiment tous les tops de l'an passé. Ouais, bah, ça m'étonne pas en même temps. Donc vraiment, il a réussi. Et ce qui était fait avant était, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, un peu plus classique pour le style. En fait, tu sens que le groupe gagne en liberté artistique et en liberté en disant on s'en fout, on y va. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce groupe, parce que quand je les ai chroniqués je sais plus pour quelle saison. Donc faudrait que je recherche rapidement, et si j'avais été efficace, parce que j'ai réécouté vite fait un extrait des anciennes capsules où je dis oui, alors on dira dans quel épisode on pourra les écouter. Ah ouais. Ouais, ça c'est du boulot. Hein. Allez. C'est du boulot. Ah, j'ai reversé le pichet. Putain, il a reversé le pichet. Ouais, il va pas être content, Max. C'est un pichet à Max. Hein. Ah, mais c'est ceux qui se serviront plus. Normalement, je pense qu'ils ont écouté les plaintes des. On verra. Ouais, parce que, alors, je vous la fais courte, ça n'a rien à voir avec Knuckles, mais en gros, j'avais promis à Tonaï un pichet que j'avais gardé en souvenir. Et, parce que moi, je les utilise pas trop, au demeurant, quotidien. J'utilise très peu les pichets. Peut-être à la limite pour faire des crêpes, tu vois, mais à la limite. Pas bête. Et donc, Tonaï, quand je lui ai donné, il me dit, c'est ceux qui sont sans, les becs verseurs. C'est pas grave, je vais les faire moi-même. Il va faire fondre des trucs. Bon, je vous le dis, il va niquer le pichet. Voilà, c'est sûr. Je sais y faire, t'inquiète. Tu vas niquer le pichet. C'est impossible que tu réussisses à faire un truc qui soit nickel chrome. On verra. Je te dis, c'est impossible. C'est bon, je m'en fais un défi maintenant. Okay. Oui, mais j'ai dit. J'ai regardé des tutos. Tu crois qu'il y a des tutos sur ça? Alors, ouais. Je peux vous dire que c'est Bob qui en a parlé dans la saison 5 de l'épisode 17. Non, c'est Parcimony dans l'épisode 33. Voilà, je suis sur la bonne ligne. Ah ouais, d'accord. De 33 épisodes en 2022, hein, ça rigolait pas. Hein. Ah ouais. Elle était venue nous donner un coup de main sur certains épisodes. Donc voilà, Knuckles, c'est de la bagarre, c'est de la violence, c'est en gros. Mais pas que quand même. Ah. Bah, qu'est-ce que toi tu dirais de tout ça? Alors, déjà, quand tu envoies du Knuckles, faut être préparé déjà. Faut être préparé. Et tu vois, je le viens en préambule de ce que tu vas dire, mais ils ont sorti 3 albums. 2016, 2019, 2024. Donc, c'est-à-dire que. Ils prennent un peu le temps quand même de. En même temps, ils prennent le temps. Et puis, c'est, comme tu l'as dit, c'est extrêmement riche. Ouais. Et c'est très quali. Et ça arrête pas de changer tout le temps. Donc, C'est pour ça que je te disais que c'était moins classique dans les débuts, toi. Je vais pas te mentir. Bon, je fais waouh. Ok. Allez, faut rentrer. Ah ouais. Bah, moi, déjà en 2 minutes, tu t'es pris en enchaînement, t'es tombé dans les pommes 3 fois. C'est ça. Mais franchement, à force d'écouter, alors bon, c'est vrai que moi, avec ce style de musique-là, il y a qu'un truc à un moment donné qui commence à devenir dur quand on écoute beaucoup, c'est cette façon de chanter un petit peu. La voix hurlée, extrêmement poussée. Bon. Ça, t'as plus de mal? Ouais, un petit peu. Mais en tout cas, je me suis concentré quand même pas mal sur la musique. Et franchement, alors il y a toujours le côté un peu metalcore, un peu super efficace qu'on voit et tout, qui martèle bien et tout ça. Mm-hmm. Mais j'ai quand même, surtout sur le dernier album, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites nuances. Mais qui t'amenaient une petite ambiance, mm-hmm. Si tu écoutes, que tu réécoutes, parce que j'en ai quand même, surtout le dernier album, je crois que je l'ai poncé 2-3 fois. Ouais, au fur et à mesure, ouais, il y a vraiment des trucs intéressants à bien pencher l'oreille, à écouter. Et ils vont loin dans le détail, dans ce qu'ils font. C'est en fait pour ça que je te disais ça, parce que moi, je me souviens, quand je les avais écoutés pour les autres saisons, je m'étais dit, putain, c'est bien, c'est efficace, mais j'avais pas été en mode, c'est trop cool de ouf, quoi. Le gap était pas, il manquait un truc pour dire ok, t'y vas, tu vas faire la bagarre, ça va être top, mais j'avais pas la conviction, le petit truc qui fait c'est signé, quoi. En fait, oui, alors c'est... que sur ce dernier, je l'aurais beaucoup plus. Je sais pas si t'as bien tendu l'oreille, mais vraiment cool. Je sais plus, il y a un titre en particulier. Et puis ça s'arrête pas, ça va du début à la fin de l'album très rapidement, et tu ça déroule, quoi. C'est ça. Et puis voilà, alors tu vois, le metalcore, j'aime bien, parce que c'est efficace. Là, on est quand même plus sur du hardcore. Ouais, mais tu sais, t'as quand même des notions. Oui, t'as des notions, mais ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est sûr. Ça mitraille plus. Mais dans le dernier album, il y a vraiment un morceau. Ouais, Don't Reach For Me. Celui-là, c'est celui vraiment où j'ai trouvé le, je sais pas, le plus de petits remplissages. Il y a plein de trucs. Franchement, faut bien tendre l'oreille. T'entends plein de trucs, quoi. Après, c'est le dernier album. Don't Reach For Me. Ouais. Eh ben, écoute, c'est vraiment une tuerie. Tu veux que j'avance un peu? Parce qu'on va pas écouter tout. Bah non, parce que, bah non. Ouais, il dure 3 minutes 40 et il y a tellement de nuances et tellement de changements. Tiens. Non mais c'est sûr qu'avec cet album ils ont passé un énorme step, que ce soit en termes de popularité mais même musicalement quoi. Mais souvent en même temps hein, c'est un truc que moi je répète et qui n'est pas de mon fait, mais le troisième album c'est souvent un album très important dans la carrière d'un groupe parce que le premier en général on donne tout ce qu'on a, toute son âme, ou alors on suit les mauvaises directives. Le deuxième on essaye soit de se répéter, soit d'aller vers une direction un peu différente en essayant, et le troisième c'est celui qui normalement éponyme souvent qui indique vraiment normalement voilà le groupe en fait il a appris tac tac tac, il a grandi et maintenant il va vous proposer ça, et toi c'est en général une évolution logique truc qui va tourner dans le sens, mais il y a toujours un truc avec le troisième album si tu regardes bien. En général il y a quelque chose de particulier avec le troisième album. D'accord. Après ça c'est pas une science exacte. Non bien sûr, parce que le dixième album peut avoir un truc, ça peut être le quatrième, mais grosso merde. Oui en fait, et puis ça dépend aussi de la réception du groupe, mais entre le premier, le deuxième et le troisième t'as déjà un schéma qui se crée, et toi il y a plus de chances que le quatrième ressemble au troisième. Ils arrivent peut-être plus à se trouver. Oui, mais il y a ça aussi, c'est ça, mais c'est normal. Mais et puis j'ai lu des interviews et apparemment ils font vraiment ça pour les bonnes raisons quoi. C'est un groupe qui est hyper sincère, qui a su rester droit dans ses bottes et apparemment vraiment très très éthique dans tout ce qu'ils proposent. Ils sont jamais vendus, ils ont jamais rien lâché. Et il y a même dans l'interview que j'ai lu, j'ai failli te l'envoyer parce que c'était hyper intéressant. Il parle de tout un rapport avec la religion qu'il a, le chanteur. En fait, c'est très bizarre parce qu'il explique comme quoi il s'est retrouvé à être très croyant à une période de sa vie, à arrêter de l'être, à y retourner, mais cette fois pour les bonnes raisons, sans attendre quelque chose en retour et personnellement. Et en fait, il a eu une amie à lui qui est décédée dans un accident de voiture à cause, en gros, de ce que j'ai compris. Son ami était endormi dans la voiture. Le mec qui conduisait gérait un bar. Et comme il picolait toute la journée, il l'a vu dormir. Il a dit bon bah dors, je vais prendre le volant. Et en fait, c'est lui qui a eu l'accident et c'est elle qui est morte. Merde. Et en fait, une fois où il est retourné à l'église, il a croisé le mec qui était là, bien habillé, propre sur lui, et qui allait à l'église parce qu'il a rien eu, ni de peine de prison, ni rien, parce que c'est un accident involontaire. Okay. Et du coup, il a dit bah en fait non, moi j'accepte pas ça. Et il a quitté une première fois, la religion pour ça. Ouais. Et donc il a un rapport à ça. Ça montre aussi que il est tout le temps en réflexion. Ouais voilà. Et en fait c'est justement ça qui est intéressant, il y a énormément de choses conscientisées dans ce qu'il fait, et il y a beaucoup de sa musique qui peuvent parler de ça. Mmh. Et qu'en fait il fait tout un rapport avec justement le côté vie privée et vie publique, où là cette histoire là il l'a racontée, et il y a d'autres histoires sur des titres qui ont pu lui arriver qu'il racontera pas. Donc il fait vraiment un truc, mais il y a tout ce qui ressort de cette interview, c'est quelqu'un d'hyper qui conscientise vachement tout ce qu'il fait et qui le fait, que ce soit pour la musique et tout, pour des vraies bonnes raisons. Et d'être avec les gars de son groupe, d'être avec tout ça, c'est quelque chose d'hyper important, où il a pris le temps de justement bien faire les choses pour arriver justement à un résultat musical et authentique quoi. Ils sont en tout cas assez connus pour ça quoi. D'accord. Et parce que les interviews sont assez fleuves, et des interviews assez récentes. C'est intéressant, en plus ça. Non mais il y a plein de trucs intéressants sur le groupe, et musicalement c'est le cas aussi, comme on a pu le dire, surtout sur ce dernier album, même si les choses d'avant sont très intéressantes, mais sont un peu moins, un peu plus classiques. Après j'ai peut-être moins porté l'oreille sur les autres, faudrait peut-être que je voie, mais c'est vrai que sur le dernier du coup, il y a vraiment du contenu, quoi. Ce petit groupe de hardcore, metalcore, vraiment beatdown, qui n'est pas du tout ta came normalement, qui est pas forcément le truc vers lequel tu vas. Ouais. Est-ce que ça t'a quand même donné envie d'aller y jeter une oreille, ou d'aller justement voir ce que ça donne en live? Peut-être même as-tu regardé quelques lives? Non, j'ai pas regardé de live. Non, à fond dans les oreillettes. Je pourrais quand même dire faire un tour, parce que si je me rappelle, tu vois, par exemple, le dernier groupe que j'ai vu dans le genre, c'était Chronos. Ah non, non, bah non. Non, mais je veux dire, c'est, je dis pas que c'est la même chose, mais bah, t'as quand même dit dans le même genre. Non, mais je veux dire, si, tu sais, en termes de violence, rapidité, machin, il ouais, y a peut-être un peu. Bon, c'est ce qui s'en rapproche le plus de ce que j'ai vu. Je dis pas dans le même genre, mais non, ou alors c'était peut-être plus. Alors attends, c'était quoi qu'on avait vu? Stinky. À Cherbourg. Non, Stinky. À Cherbourg, j'ai pas vu de concert à Cherbourg. Ah, non, mais non, tu vas dire B19, mais c'est pareil, c'est pas ça du tout. Non, non, on serait plus sur un Stinky beaucoup plus vénère. Ouais, beaucoup plus vénère, bah oui. Oui, mais on est plus dans ce style-là. Je pourrais dire faire un tour. Ah, t'es pas tant convaincu que ça. Non, bah non, parce que après, c'est pas trop, comme tu dis, c'est pas trop ma came. Je peux l'écouter, je peux trouver des choses intéressantes. Après, de là, avoir envie de le voir, faire un tour peut-être. Écoute, techniquement, comme c'est le dimanche, il y aura pas Jerry Cantrell en face parce qu'il joue en scène concubinage. Il y aurait qui en face? Deadlock, Icebreaker, que je te déconseille d'aller voir. Ça c'est perso, mais toi tu pourrais kiffer. Falling in Reverse ou A Day to Remember et Linkin Park ou Cypress Hill. Aïe, aïe, aïe. Non, fallait pas dire ça. Bah, bon, je pourrais aller faire un tour. Okay. Hein, on va dire que ça m'a pas fait fuir, au contraire, hein. J'ai bien tendu l'oreille. Il y a des trucs qui me plaisaient et tout ça. Après, c'est vrai que voilà. Franchement, dès les premières minutes, j'aurais peut-être pas continué comme ça, mais c'est pas le style qui m'attire tout de suite. Bon, bah, j'irai tout seul. Mais ils m'ont pas fait fuir non plus. Bah, moi, j'irai plus les voir si. Bah, c'est vrai. Ouais, ouais, quand j'ai écouté, je me suis dit, ça doit être pour Jack, ça. Ah, c'est plus ma cam. Bah, écoute, je te propose qu'on arrête là pour Knocked Loose. En tout cas, quand même, encore une fois, une belle découverte. Oui, quand même. Non, très intéressante. Et ben, bah, du coup, on se retrouve à la prochaine capsule. Bah, ouais. Allez, ciao. Ciao. Ah bah attends, il n'y a pas de son. Attends. Attends. À la prochaine capsule, je vais pas faire de montage. Ok. Je remets mon manteau, j'enlève. Ah, ciao.